Donc là, je suis avec des perchés du Haut et des perchés du Bas, vous m'avez dit. Donc des perchés du Havre, c'était un mouvement. Est-ce que vous pouvez rappeler ce mouvement qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois aussi? On a décidé de camper sur le toit des urgences psychiatriques du Havre afin de protester contre les conditions de travail déplorables, les mises en danger des collègues par rapport à la suroccupation des lits, des patients qui dormaient par terre. Et voilà, la direction n'entendait rien faire pour ça. Et ça faisait quelques mois que ça durait, etc. Donc nous, on a décidé de passer à l'acte. En montant sur le toit et en redescendant pas tant qu'on n'aurait pas négocié des postes et des conditions humaines pour hospitaliser les patients. Voilà. Vous êtes resté combien de temps là-haut du coup? 16 jours. 16 jours, ok. Bah, un peu comme la grève de la faim ici, quoi. Ouais, presque pareil. Exactement. Avec donc une intendance en bas qui permettait de tenir le mouvement, et vous m'avez dit d'aller négocier pendant qu'il y en avait qui étaient en haut. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Les perchés du haut, voilà, et puis on appelait ce qu'on appelait les perchés du bas. Bah, en fait, pendant qu'ils étaient sur le toit, il fallait pouvoir aller aussi. Un camp de base, aller, voilà, pour eux. Et puis il fallait aller aux négociations, la rencontre de la direction, on a essayé de choper Buzyn à Caen, voilà. Donc nous, notre rôle, il était un petit peu là, quoi, de faire le tampon. Donc on est des perchés du bord. C'est, voilà. Mais du coup, ici, le mouvement a été super dur. Là. Ici, au Rouvray, le mouvement a été super dur. Et puis là, 2 ans après, on se rend compte qu'il a suffi de changer le directeur pour qu'il ne se considère plus tenu à respecter le protocole qui a été signé à l'issue de cette grève. Est-ce qu'au Havre, ça s'est mieux passé? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous revendiquiez? Alors au départ, quand on est ressorti sur les négociations, on avait obtenu 34 postes, 33, quelque chose exactement. Mais là, on commence déjà à se poser quelques questions. Parce que là, ça va faire maintenant 2 ans et on se demande si les postes qu'on avait obtenus, petit à petit, ils ne commencent pas à être supprimés. Quoi. Donc on est en difficulté, on est en souffrance, on a toujours un manque de personnel qui est réel. Et l'effet des perchés, ce qui a pu être bénéfique, je pense que là, ça commence à s'étioler. Donc je pense qu'il va falloir retourner à la bataille pour pouvoir remettre les choses en place. Sinon, surtout, le problème, c'est qu'on avait une dérive. On est arrivé là, ces conditions-là, c'est parce qu'on s'est servi des moyens d'intra-hospitalier pour développer l'extra-hospitalier. Donc là, on avait demandé un rééquilibrage qui n'est pas du tout au niveau, puisqu'il y avait une expertise qui était faite qu'il fallait 100 postes. On a eu 34,8 postes, donc un tiers de ce qu'on réclamait. Ça a renforcé les services. Aujourd'hui, la direction se sert de ces postes-là, qui étaient pour renforcer l'intra-hospitalier et les services, pour redévelopper des nouvelles activités sur l'extérieur. Donc c'est tant qu'on n'aura pas résolu la crise de l'intra-hospitalier et la suroccupation des lits, sinon c'est le chien qui se mord la queue. Donc ça veut dire que peu importe les directions, elles ont toutes le même objectif. C'est on ne voit pas la demande des soignants ou autres, on oublie l'intra-hospitalier avant d'aller sur l'extra-hospitalier. L'extra-hospitalier, il y en a besoin, c'est une réalité. Mais si pour passer en extra-hospitalier, il faut que les patients soient bien soignés avec des patients dans les services. Aujourd'hui, ça commence à devenir délicat, on aura de la suroccupation, donc le travail de fond n'est jamais fait. Et eux, de toute façon, ils ont des injonctions au-dessus d'eux. Et comme souvent, c'est quand même de nombreux directeurs assez carriéristes. On leur dit, faites passer les choses. Et après, nous, on s'est aperçu, il y a quelques temps, on a une directrice qui reste que 2 ans. Notre directeur, je ne sais pas combien de temps resté, mais c'est que des gens de passage. Donc le problème de fond, eux, je pense qu'ils ont aussi leur plan de carrière à viser. Et donc, ils oublient l'utilité vraiment réelle du service public. C'est une manière de gérer les luttes sociales aussi, en fait, de remplacer les têtes en haut, là, les personnes qui vont négocier avec. Avec vous, ça permet de diluer les responsabilités, quoi, en fait. Ouais, c'est le but engagé ou quoi, et je pense même affirmer dans certains lieux sans souci ou quoi, de toute façon, voilà, c'est, notre objectif, c'est on l'a en ligne de mire. Non, moi, ça démontre juste que chez eux, il y a une volonté politique, quoi. On est dans un truc qui nous peut-être peut nous dépasser un peu, mais chez eux, tout est pensé, tout est réfléchi, C'est vrai que quand on change d'interlocuteur comme ça constamment, le rond-point, ce qui est en train de se passer là, ils ont fait un directeur. Je pense que quand leur directeur est arrivé ici, dans sa tête, il savait très bien où il allait, il savait ce qu'il allait faire. Je crois que même quand il est arrivé, il leur avait dit, moi, j'avais le choix entre la retraite ou prendre le Rouvray. Donc s'il a pris le Rouvray, c'est que la retraite devait le faire chier, il lui fallait de l'action, et puis là, il s'est mis en action. Voilà. Mais ce genre de personnages-là, tant qu'on pourra s'opposer à eux, tant qu'on pourra leur dire merde, tant qu'on pourra leur barrer la route, même si on n'est qu'une poignée, on ira jusqu'au bout, parce que c'est hors de question de leur laisser. Nous, on travaille avec les patients, on est au contact avec les patients, et tout le mal qui est fait sur le personnel ou sur l'hôpital, c'est les patients qui en payent le premier les pots cassés. Donc de toute façon, quand on est infirmier, en psychiatrie, c'est pas le fait du hasard. Donc quand on se défend nous, on les défend eux avant tout. Quoi. Puis maintenant, ils sont passés à l'offensive, en fait, contre les soignants, les lanceurs d'alerte, entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'on est défini. Donc maintenant, ils sont passés à la répression. C'est-à-dire que nous, on a une plainte de la direction contre 4 personnes pour séquestration, alors que c'était une lutte syndicale. Tentative, ouais. Et donc ici, maintenant, ils passent à la répression aussi. On a une collègue qui est aide-soignante et infirmière, je ne sais plus, en Seine-Saint-Denis, qui sont aussi convoquées par la direction. Il y a l'exemple de cette infirmière qui jetait des petits cailloux sur des CRS armés et qu'on prend comme ça en disant regardez ce que sont les soignants, etc. Donc on essaie de nous diaboliser et ça c'est pas très correct de la part d'une direction qui, eux, à mon avis, sont les premiers c'est les donneurs d'ordre, et donc c'est eux les responsables de cette situation-là. Et par définition, c'est eux qui entretiennent cette violence institutionnelle. Donc nous, les patients et nous subissons cette violence. Donc il faut évidemment qu'on se défend, quoi. C'est un peu normal, quoi. C'est pas eux, ils n'y connaissent rien en soi. Eux, c'est juste de la gestion personnelle, etc. Du financier, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dedans, enfin, s'il y a bien quelqu'un qui doit dire quelque chose sur le système de santé, c'est bien nous. Voilà, enfin, c'est ce que j'ai à dire, mais ça me semble assez clair. Et là, est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a eu une héroïsation des soignantes et des soignants pendant la crise sanitaire, qui a été totalement orchestrée aussi, enfin qui a été au départ spontanée, ensuite orchestrée par l'État pour éviter d'avoir à poser d'autres questions. Et en revanche, on a vu sûrement notamment la première manif d'après le confinement pour l'hôpital public était vraiment fournie et très dynamique. Au Havre, je crois qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui était dans cette manif. Il y avait 3000 personnes. Ouais. Okay. Ce qui est important pour une manif au Havre, c'est ça ? Oui, ouais. C'est un bon rassemblement. Après, il faut savoir que l'étiquette d'héroïsation, quand on en parle avec nos collègues ou quoi, on n'en veut pas de cette étiquette-là. Ça, c'est le gouvernement qui utilise ce mot-là, les héros, on vous applaudit à 20h le soir. Mais quand on travaille à l'hôpital, on fait notre boulot, on n'est pas des héros pour faire notre boulot. Quoi, voilà. Et puis en plus, derrière, avec leur prime à la merde, leur médaille à la merde, leur défilé à la merde, enfin voilà, moi, j'ai, à titre personnel, je ne parle pas pour mes collègues, mais j'ai vécu tout ça comme une insulte. Quoi. Quand on m'applaudissait à la fenêtre en disant t'es un héros, et puis j'ai donné une médaille, moi c'est pas ça. Voilà, on fait notre boulot. Tout simplement, il y a quelques mois, on a une collègue qui a été poignardée par un patient qui est décédé. Quoi. Et quand les collègues, une collègue qui est à l'Assemblée nationale demande une minute de silence, que le président de l'Assemblée nationale refuse de le faire. Donc à ce moment-là, ils disent non, vous n'êtes pas des héros, etc. Puis là, comme par hasard, on nous dit ouais, vous êtes des héros, on va vous filer des médailles. Enfin, je veux dire, c'est quoi, c'est guignol, enfin, excusez-moi du terme. Mais... Ce qui prouve bien, c'est que ça soit aussi bien directeur que politique. C'est juste des communicants, quoi. C'est comment reprendre, parce que c'est pas dur. Dans la tête des gens, ils ont réussi à immiscer la tête que ça y est, tous les soignants avaient une prime, tous les soignants allaient avoir 300 balles de plus par mois, tous les soignants allaient avoir des conditions de travail dignes, tous les médecins, chefs de service allaient reprendre le dessus sur le pouvoir technocrate ou autre pour insuffler des projets de service. Eux, c'est passé dans la tête des gens, c'est tout ce qui les intéresse. Après, sur le fond, quoi, ça ne s'est pas fait, c'est pas leur problème, c'est juste comment on communique au mieux dessus, quoi. Et c'est le vrai problème, c'est la communication qui a pris le pas sur la réalité du terrain. Et aujourd'hui, vous êtes là donc en soutien aux collègues du Rouvray. Je crois qu'il y a beaucoup d'échanges de déplacements, de soutien mutuel entre les différents hôpitaux. Ces luttes-là, elles ont construit aussi des liens qui n'existaient peut-être pas forcément auparavant. Peut-être plus spécifiquement sur la psychiatrie avec le démarrage. Nous, en plus, on est une région qui est particulièrement active. Il y a eu les grévistes de la faim. Donc ici au Rouvray, il y a eu les copines de Pinel qui ont campé devant leur hôpital. Il y a eu les perchés sur le Havre. Donc c'est vrai qu'on s'est soutenus les uns envers les autres. C'est facile, on est qu'à une heure de route. On n'est pas obligé de se taper le périph. C'est plus simple. Non, donc il y a une chaîne de solidarité qui a donné naissance au printemps de la psychiatrie, d'ailleurs, qui est présent ici aussi aujourd'hui. Donc oui, il y a une forme. Mais en fait, ce que ça nous a permis de nous rendre compte, c'est que la merde dans laquelle nous, on vit par exemple au Havre, elle est présente partout, sous des formes différentes, mais elle est présente partout. Après, chacun répond, la grève de la faim, c'était spectaculaire, ça fait peur, c'est voilà, les perchés, c'était spectaculaire. Mais, et c'est pas fini, des actions comme ça, il y en aura d'autres. Voilà. Il y en a même qui n'ont pas été médiatisées, hein. Faut savoir que les copains et les copines à Niort, ils ont campé pendant plus de 130 jours devant leur hôpital sans qu'on en entende parler, enfin si on n'était pas barré dans le réseau ou quoi, on n'était pas au courant. Quoi. Donc ils arrivent à faire, même au niveau médiatique, ils arrivent à cacher des trucs comme ça qui sont assez monstres. camper pendant 130 jours devant son hôpital, c'est pas anodin en soi. Donc je pense que ce genre d'action, c'est malheureusement pas fini, quoi. Je pense qu'ils veulent nous faire fermer la gueule, qu'on se taise avec cette histoire de pognon, qu'ils veulent nous lâcher et tout ça. Et je pense qu'effectivement, pour eux, en nous donnant du fric, une prime, et puis derrière, on va lâcher. Mais nous, on se bat aussi pour qu'on arrête de supprimer des lits, qu'on arrête de supprimer du personnel. Vous savez, nous, WAF, quand les copains ils sont montés sur le toit, on avait des chambres de une personne où les matelas étaient à même à terre, les patients n'avaient pas accès à leurs fringues. C'était vraiment quelque chose de honteux et de scandaleux, quoi. Et moi, j'ai peur qu'on y revienne petit à petit. Donc, s'il faut faire des trucs spectaculaires, on refera des trucs spectaculaires. Johan, il remontera sur un toit s'il faut, il n'y a pas de problème. Ce sera peut-être pas le même toit. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est bien d'avoir un micro pour parler de tout ça, parce que c'est dur de se faire médiatiser. Donc, ce que nous on fait et ce que vous faites, c'est sur le même terrain, c'est très bien. Bon, vous voulez laisser vos prénoms ? J'ai entendu Johan, du coup, vous voulez laisser vos prénoms ? Lionel. Yann. Merci à vous trois. Merci. Merci.